La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. La semaine, au cours des dernières semaines, on a appris une nouvelle assez quand même, une belle nouvelle pour elle, mais c'est une nouvelle quand même un peu plate pour le monde de la région. Une autre jeune qui quitte la région, quoi qu'il en soit, Maud Tremblay de Dolbeau-Mistassini s'en va directement à Montréal, au centre d'entraînement. C'est une belle nouvelle pour elle, ça va faciliter son développement. On lui parle. Salut Maud! Allô? Maud, qu'est-ce que ça te fait? Es-tu contente ou t'es un petit peu le sentiment partagé face à ça? C'est sûr que je suis contente parce que c'est une grande opportunité qui s'ouvre à moi, mais c'est sûr qu'on a plein de parties qui nous attristent un peu, là, c'est de laisser les amis ici, la famille, mais sinon je suis très heureuse d'aller patiner à Montréal parce que c'est une grande porte qui s'ouvre à moi. OK. Maud, si on parlait justement de qu'est-ce que ça va t'amener davantage? C'est sûr que mon volume d'entraînement, il va être plus de haut niveau, là, vu que je vais m'entraîner avec les filles, vraiment des filles de Montréal avec qui que je compétitionne. Ça va me permettre de rester en forme pour le début de la saison qui commence milieu septembre. Ça va vraiment permettre sur plus de points d'améliorer plein de choses. OK. Est-ce que ça aurait été possible? Parce que moi, je marque toujours sur les médias sociaux mon menu de la journée, puis quelqu'un qui se désolait, encore une autre jeune qui quitte la région, il n'aurait pas été mieux pour elle d'aller au centre Marc-Gagnon à Chicoutimi. Est-ce que, si tu aurais continué au centre Marc-Gagnon, est-ce que ça aurait pu faciliter ton développement ou s'il fallait vraiment que tu fasses, t'étais rendu à ce niveau-là? Oui, ben c'est sûr que on va s'entendre que le centre Marc-Gagnon, c'est aussi un très bon centre d'entraînement qu'on peut autant bien développer. Là. Si on regarde là, toutes les personnes qui sont sous l'équipe nationale, ben ils ont passé toutes par le centre Marc-Gagnon. Mais d'après moi, si j'aurais voulu rester à Chicoutimi, ben j'aurais probablement été peut-être bien au même niveau que je vais l'être. OK. Mais t'es mieux encadré quand même, t'es mieux. Puis à quelque part, à 16 ans, ton corps est pas mal rendu à ce que ça va être. Là. Tu grandiras pas plus vite, là, j'imagine, ou pas dire plus. Là. Non, ouais. Oui, c'est ça que je dirais. Puis, OK. Y a-t-il des critères pour ça? Ça prend-tu des temps? Ça prend-tu... C'est sûr que ça va avec comme tes performances de l'année dernière. Comme moi, ce qui m'a permis d'aller au TRC à Montréal, ben c'est mes résultats que j'ai eus cette année. C'est sûr que il faut un certain classement ou puis une liste de règlements et de critères pour rentrer dans le CRC à Montréal. OK. Plus de compétition aussi, j'imagine? Je dirais que ça ressemble à ce que j'ai fait cette année. Là, pour même si je suis à Montréal, ben, c'est pas mal les mêmes compétitions que je fais comme si je ne l'étais pas. Là. OK. Là, qu'est-ce qui va arriver au cours de l'été? Parce que moi, ce que j'ai vu ton père il y a à peu près 15 jours, il me dit, tu veux-tu un scoop? Moi, tu en vas à Montréal. Donc, c'est sûr, moi, tout scoop, ça m'intéresse. Fait que, il me disait que tu avais déjà recommencé à t'entraîner. Déjà, là. Donc, ça n'a pas été long, là. En fait, mon entraîneur à Chicoutimi, il m'avait donné un mois de break, que je faisais comme plus rien, plus de gym, plus de courses, etc. Puis par exemple, moi j'ai fait le grand défi Pierre Lavoie, puis je vais faire le tour du lac, fait que quand même il fallait que je continue à m'entraîner. Mais sinon, la semaine passée avait lieu ma première pratique comme de saison estivale, de saison d'été à Chicoutimi, puis on continue à chaque semaine, puis on peut voir quand je peux continuer à patiner parce que je veux pas, eux à Montréal, eux, ça fait 2-3 semaines qu'ils ont commencé à patiner. Fait que si je veux pas arriver à Montréal, ben oui, et avoir de la difficulté puis me décourager parce que c'est dur, ben j'ai décidé de commencer à m'entraîner plus bas. Là, là-bas, arrivé à Montréal, t'as 16 ans, c'est sûr que c'est quand même, je trouve que c'est une belle heure. Je pense que Marianne avait parti pas mal, je sais pas, Marianne Saint-Gelin est toujours là, ce modèle-là. Laurie Marceau également avait parti pas mal dans ces années-là. Ouais. T'arrives à Montréal, est-ce que t'es encadré? Tu vas-tu rester dans la parenté? Comment ça va fonctionner pour toi, tes débuts, là, pour te avoir comme une transition? Oui, ben, je suis avec, je vais habiter avec mon amie Claudia, qui patine elle aussi, puis elle patinait au Saguenay avant à Chicoutimi. Fait qu'elle m'a proposé d'aller avec elle dans un appartement, puis tu sais, on est proche de tout, on est proche du stade olympique, d'un épicerie, puis de l'aréna, puis qu'on peut voyager à pied facilement. OK. Ben, Maud, je suis content pour toi. C'est des sacrifices que tu fais. C'est une question que j'oubliais. Tu te vois où dans combien d'années? C'est sûr, l'objectif ultime, quand tu vois des Cassandra Bradette, tu vois des Marianne Saint-Gelin, tu vois des Marie-Ève Drolet, Rosalie Tremblay qui est à côté, vraiment pas loin. Tu te vois où? Est-ce que là, les Olympiques 2000, on oublie ça, là, les Olympiques 2018 à Pyeongchang? Ouais, mais 2022, tu te vois-tu? Peut-être, oui, mais je crois que c'est peut-être dans bientôt aussi. Là. Il y a plusieurs autres jeunes qui peuvent être plus fortes encore, mais tu sais, on va voir avec le temps, puis on va voir comment ça va finir. Comment tu dis ça, le 16 ans, toujours dans l'adolescence, t'as le chum, t'as le goût de sortir, le chum, je sais pas si t'en as un, mais t'as le goût de sortir, non, t'as le goût de t'améliorer. Comment tu dis avec ça? C'est vraiment ta carrière, point final? Tes études, ta carrière, ou... C'est sûr que les études, ça irait toujours là-dedans, mais tu sais, oui, je me concentre sur le patin, mais tu sais, je me permets aussi des fois de sortir puis d'aller avec mes amis, mais tu sais, okay, tout en restant raisonnable. Ah, c'était une bonne fille. Ben, félicitations. On va te suivre de très, très près encore. Moi, c'est pas parce que t'es à Montréal qu'on va te lâcher. Nos athlètes qui sont à l'extérieur, on les suit autant que s'ils étaient locaux. Fait que, puis on va le faire encore. Mm-hmm. Ben, Maud Tremblay de Dolbeau-Missassigny qui va partir raconter de l'an prochain à Montréal au centre d'entraînement de l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur Côte.